Pourtant si sage, j'ai mangé un clown. Il restait du maquillage sur le coin de ma bouche. Devant la glace, j'attends que se forge le goût de son sourire dans le fond de ma gorge. Quand je sens que me monte sa fièvre comique, mon visage s'illumine de drôles mimiques. Je le laisse m'envahir et je prends la tangente, vous offrant à plaisir ses humeurs changeantes. Observez ses troublants, la douceur du clown blanc. Céder enfin sa place à un auguste vandale. Et si ça vous plaît pas, je m'en fous pas mal. De te plaire, non, je deviens ce clown. Et le bin à sourire dans le pli de ta joue. Je te vois hésiter, tenu à la lisière. Et tu imagines passer lentement la barrière. T'approcher tout doucement, t'inventer des sentiments. Il y a toujours de la place dans mon carnaval, mais que tu viennes. Je m'en fous pas mal. Je m'en fous pas mal. Je m'en fous pas mal. Je m'en fous pas mal. Attention, on tape les mains. Fais danser le clown, une ronde facile. Prends sa main dans la tienne pour le rendre docile. Puis fais de lui ce que tu veux. Ce soir, c'est moi qui régale ce qui se passe au fond.